Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Dialogue d'auteur. Je suis Dominique Montet, scénariste. J'ai travaillé entre autres sur la série Les Témoins et je suis aussi co-animateur du podcast Il faut qu'on parle avec Yael Simkovic, disponible sur iTunes. Pour ce numéro de Dialogue, nous recevons comme invité Fanny Herrero, dont vous avez sûrement vu la série 10%, avec elle on a parlé agent, jeune flic et rugby. Dialogue d'auteur est un podcast réalisé en partenariat avec la Guilde des scénaristes et la SACD et enregistré à la Maison des auteurs SACD. Et sinon, je vous invite à laisser des commentaires sur le compte Facebook de Dialogue d'auteur, mais aussi sur la page iTunes. Ça nous permettra de mettre mieux en avant le podcast et puis les retours, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro de Dialogue d'auteur. Avant, tu étais plutôt sur une carrière de comédienne en fait. Ouais, j'ai été comédienne pendant quelques années, puis lectrice en parallèle. J'étais comédienne et lectrice de scénario, c'est comme ça, je pense que. J'ai eu le déclic du scénario. Je savais que j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Je pensais que ce que je voulais, c'était jouer. Et je me suis rendu compte après coup que, en fait, le jeu, c'était qu'une façon de venir à l'écriture. C'est-à-dire, le rapport aux personnages, le rapport aux histoires. En pensant voulant être actrice, en fait, je voulais les écrire, ces histoires-là, mais je ne le savais pas. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Et en lisant beaucoup de scénarios, je me suis rendu compte que c'était la forme qui, sans doute, m'irait le mieux. À l'époque, j'écrivais des petites formes courtes, des pièces, justement. J'avais écrit le spectacle de fin d'année de mon école de théâtre, d'accord, ce genre de choses. C'était cool. Un peu amateur, artisanal, mais y avait déjà, j'avais déjà le goût. Et en lisant beaucoup pour la télé, j'étais lectrice pour la télé, pour TF1, et pourtant, du coup, je lisais pas forcément des scénarios qui me passionnaient. Mais cette forme-là, je me suis dit, mais c'est ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté très intimidant de la littérature. Je pense que je ne me serais jamais sentie capable d'écrire des romans. Oui, je comprends, c'est pas le même. Parce que tu es tout seul et c'est ta voix qui compte. Alors que là, tu dois avoir une voix quand tu es scénariste, mais elle vient rencontrer la voix d'autres personnes. Et c'est ça que j'aimais, c'était cette chose très, très collective. Et l'idée que ça serait ensuite incarné, mis en image, tout ça me plaisait beaucoup. Et voilà, donc à force d'en lire, c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire. Et le premier qui a marqué, disons, l'entrée dans le monde professionnel, c'est ça la question. Mmh. C'était un scénario pour Arte. J'ai eu beaucoup de chance. C'est un unitaire. À l'époque, j'étais simple lectrice et j'ai appris par amis d'amis que Arte cherchait des fictions sur le sport. D'accord. C'était une sacrée gageure parce que c'est rarement réussi, oui. Et difficile à faire. Et en plus, à l'époque, donc là je vous parle de, c'était en quoi, 2005, 2006, parce qu'il a été diffusé en 2006 cet unitaire qui s'appelait Fort comme un homme. Mm-hmm. Arte avait encore moins d'argent qu'aujourd'hui pour la fiction, donc c'était vraiment des unitaires très très peu financés. Donc écrire sur le sport, enfin, on s'en était pas bien rendu compte. Je l'ai écrit avec mon frère en fait, ce premier unitaire. D'accord. Donc on a répondu à cet appel d'offres parce que nous on vient d'une famille de rugby. Mm-hmm. Notre père est entraîneur de rugby, toute ma famille du côté masculin a fait du rugby. J'ai grandi à Toulon et donc une espèce de facilité, mais souvent le premier truc qu'on fait, on pense qu'il faut que ce soit très personnel ou on a l'impression que c'est comme ça que ça viendra. Et donc, on a écrit un truc sur le rugby, sur un jeune rugbyman qui arrive à Paris. C'était sur ces années où le rugby se professionnalisait, où il y avait le calendrier, les dieux du stade. Ouais. Un truc assez crypto-gay. Finalement, c'était ça qui nous intéressait. Une dimension assez érotique de la figure du rugbyman. Donc, on a réglé beaucoup de comptes oedipiens avec cette fiction. Comment il a reçu le téléfilm, ton père ? Bizarrement, en fait. Parce que lui, il vient vraiment de la vieille école du rugby, beaucoup plus traditionnel. Le rugby du Sud, quoi. Et justement, ce rugby où il y a de l'argent, on utilise la figure des joueurs pour faire de la publicité, tout ça, lui, c'est quelque chose à quoi il est plutôt réfractaire. Ouais. Et donc, c'était un peu, une sorte de trahison. C'est un drôle de truc. Ouais. L'émancipation avec ce scénario. Et donc, c'était le premier. On a proposé un synopsis donc, à ce jeune producteur qui nous avait dit, voilà, Arte cherche des fictions sur le sport. Et ça leur a plu. Et pourtant, on était bleu de chez bleu. Quoi. On n'avait rien écrit, ni mon frère, ni moi. Donc moi, j'avais cette petite expérience de lectrice qui faisait que je pense que je commençais à voir à peu près comment ça se structure notions, un scénario. Oui, j'avais des notions, mais j'avais fait aucune école. J'avais aucune compétence technique. J'avais lu aucun manuel. Donc vraiment, c'était totalement instinctif comme affaire. Dingue. Et donc, ce scénario était très bancal, très maladroit. Ouais. Mais je pense qu'il avait une sincérité, forcément, parce que quand même, on parlait de choses qui nous touchaient d'assez près. probablement de façon inconsciente d'ailleurs. Mm-hmm. Et on l'a fait avec un réalisateur qui s'appelle Stéphane Justy, qui a fait pas mal de télé aussi, qui a fait Odysseus après, plus tard, qui venait de Toulon comme nous, qui était un fan de rugby. Donc lui, il a été très vite dans le package. Je pense que ça a rassuré aussi la chaîne, qui est un réalisateur un peu expérimenté. Il avait quand même déjà fait 3-4 longs-métrages à l'époque. Et puis le fait qu'on se connaissait bien et tout. Voilà, donc Arte nous a signé ce truc. Et alors là, pour nous, c'était complètement... un peu de sidération, quoi, que c'est ah bon, donc c'est possible. Et moi, c'est vrai que j'arrivais de ces années un peu laborieuses où je voulais être comédienne, où je passais des castings un peu idiots pour des publicités, et même si j'arrivais à en vivre, mais il y avait quand même ce côté, voilà, difficile, rugueux, humiliant parfois. Ingrat, ouais, c'est quand même un très très dur métier. Et là, d'un coup, on est rentré chez Arte, et ils nous ont reçus comme des auteurs, et pour moi, c'était une différence, mais majeure. Et en fait, ce que plus que ce scénario, c'est ce jour où je passe la porte, je rentre chez Arte et on me dit « Bonjour, asseyez-vous » et je suis considérée comme une auteure, pas comme une comédienne, donc pas comme juste un corps sur qu'on va projeter un désir ou pas. Et ça, c'était extrêmement important. J'ai l'impression soudain que j'existais pour ce que j'avais dans mon cerveau. Ouais. Et ça a créé un déclic immédiat, donc j'ai tout de suite arrêté en fait, de jouer. Mmh. En plus, c'est l'époque aussi où je suis devenue maman, donc tout ça a pris forme en fait, et sens aussi. Et voilà. Et donc cet unitaire a existé. Il ressemble pas trop à grand chose. Il est, non, c'est vrai, il est très maladroit, à tellement d'égards dans son écriture, en sa réalisation. On rêvait de grandes scènes de stade, sans du tout imaginer que ça allait être injouable, que ça ferait chipouille à l'écran. Et c'est le cas. Les joueurs, pareil. On n'a pas réussi à avoir des vrais gars. Bâti comme des rugbyman, en plus il faut vraiment des mecs super costauds. Enfin, bon, là c'était pas crédible. Bon, bref, donc il est passé relativement inaperçu, ce qui est pas plus mal. Mais il a eu le mérite d'exister. Non, mais c'est vrai, voilà. Mais c'est super comme expérience, même d'aller jusqu'au bout, quoi. De dépucelage, finalement, comment dire, ouais, agréable et sain, quoi, parce que c'était la chance en plus de travailler écarté. Je vois pas quelle autre chaîne aurait pu nous faire confiance sur un truc comme ça, parce qu'on n'avait rien écrit. Arte, ils ont cette qualité-là de faire confiance aux auteurs, avec aussi peut-être le défaut que là, en l'occurrence, ils auraient dû peut-être nous faire un peu moins confiance, parce qu'on est quand même très mal habiles. Mais voilà, et ça a existé, et à partir de là, ça, c'était mon entrée dans ce monde, c'était ma carte de visite, c'est sur laquelle j'ai capitalisé à mort le plus possible pendant les années qu'on suivit, les mois qu'on suivit. C'était un peu classe, en plus, voilà, d'avoir fait un éditeur pour Arte. Mais la chance, c'est que du coup, personne ne l'avait vu aussi. Donc, je pouvais en parler sans me faire démonter. C'est bien, ça fait bien sur la carte de visite. Sur pièce. Voilà. Mais justement, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Comment on travaille, comment on écrit avec son frère? C'est pas compliqué comme collaboration, ou vous aviez déjà des rapports un peu... Non, alors il se trouve qu'on s'entend extrêmement bien. Donc, c'était une collaboration amusante et légère et très affective, affectueuse. Donc non, de ce point de vue-là, c'était chouette. On était tous les deux en virage professionnel. Mon frère avait été longtemps consultant, puis en fait il avait envie de devenir réalisateur de documentaire, mais ça, il cherchait un peu à ce moment-là. Donc moi aussi, pourquoi pas le scénario, c'est un peu moi qui l'ai entraîné là-dedans. Mais la difficulté, c'est qu'on était aussi incompétents l'un que l'autre. Donc, et chacun essayait de se reposer sur l'autre en pensant que l'autre aurait la solution, mais en fait on l'avait pas ni l'un ni l'autre. Bon, à force de discussions et tout ça, je pense qu'on arrive à avoir quelque chose qui se tient à peu près. Mais voilà, techniquement, c'est pas du tout suffisant. On n'avait pas la notion de ce qu'il faut dramaturgiquement pour tenir un 90 minutes, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, je le sais, mais à l'époque, je le savais pas. Et donc, c'était, je pense, un peu flou mou, comme on dit. C'est-à-dire enjeu mal défini, point de tension pas assez ancré. Il y avait plein de bonnes choses, mais je pense qu'on était encore à cette étape de notre cheminement où on pensait que l'inspiration pourrait suffire et connaître un milieu pourrait suffire. Or non, quoi. À un moment, il faut aussi des outils, il faut aussi une compétence technique, en scénario particulièrement. Et ça, on l'avait pas ni l'un ni l'autre, donc il y avait des moments un peu de vertige parce qu'on pensait que l'autre aurait la réponse et en fait, on l'avait pas. Mais on s'est jamais disputé et on était assez d'accord en fait à un moment pour s'avouer l'un et l'autre nos faiblesses, quoi. D'accord. C'était un peu bon, ben, on l'a fait. Bon, c'est pas terrible, mais. Et vous étiez on l'a fait. Tout le temps dans la même pièce ou vous faisiez des réunions et après vous écriviez chacun de votre côté? Ouais, on faisait pas mal de réunions, on écrivait chacun de notre côté. C'était plutôt moi qui dialoguais. D'accord. Parce que mon frère se sentait moins à l'aise. Moi, instinctivement, j'avais très envie de ça. Puis j'avais déjà commencé un peu à le faire comme je vous disais, pour le théâtre et tout. Et donc lui était plus sur les enjeux, sur ce qui concerne le personnage. Mon frère, il a beaucoup écumé les stades, les vestiaires, il a joué lui-même, donc il apportait ça, il nourrissait aussi un peu plus de l'intérieur, de ce que c'était qu'être un jeune homme qui veut faire du rugby, qui commence à avoir une carrière. Bien sûr. Donc il apportait cette vérité, et moi j'étais plus à la mise en forme en fait. D'accord. Et ton frère, il a persévéré dans l'écriture, ou du coup il est Non, il a arrêté. Ouais. Il est devenu réalisateur de documentaires, et je pense que l'abnégation du scénariste, la pugnacité qu'il faut avoir tout en restant dans l'ombre, c'est quand même un métier difficile où il faut sans cesse s'y remettre. Enfin, c'est vraiment un travail d'artisan. On crée des couches en permanence. Je pense que pour lui, ça, c'est pas sa nature, quoi. Il a besoin de quelque chose de plus immédiat, où on a un résultat plus rapide. Et voilà, partir tourner sur une semaine ou deux ou trois et revenir avec un résultat, ça lui convient bien. Il a besoin de concret. Il a besoin de concret, ouais. Et il a besoin d'action. Et je pense que le scénariste qui rumine beaucoup dans l'ombre, qui ressasse sans cesse à ses idées, qui agit aussi sur des petites choses pour que finalement ça prenne forme, c'était pas pour lui. Mais et encore, l'expérience qu'il a eue, finalement, c'est allé assez vite ou pas? C'est allé assez vite. Hein. Ouais. Le truc, je pense qu'on a dû l'écrire en un peu moins d'un an. D'accord. Et il a été réalisé rapidement et diffusé rapidement. Non, c'était assez incroyable. Vraiment, j'en reviens pas, en fait, de cette chance. C'est sans doute ces moments où, à la fois, c'est une combinaison de chance, d'arriver avec une personnalité ou une identité qui, à un moment, rencontre le désir d'une chaîne. Plus le fait de connaître quand même un producteur, un réalisateur, puis ça fait un petit package qui est intéressant pour la chaîne. Enfin, tout a convergé au bon endroit, malgré notre incompétence, notre jeunesse, quoi. Ouais, après, je pense qu'ils ont aussi vu la compétence par rapport à l'univers que vous connaissiez de l'intérieur. Oui. Et donc, ça les a rassurés, ça leur a plu. Bien sûr. Tu peux nous parler un peu de l'expérience des Bleus, comment ça s'est passé pour toi, quelle était ta place en fait dans cette série qui était plutôt très bonne d'ailleurs. Moi j'aimais beaucoup cette série, et je trouve que M6 a raté le coche avec cette série, a fini par la torpiller en la programmant mal, la conduisant mal. Nous orientons pas forcément sur les bonnes pistes, à mon sens. Moi, j'y suis arrivée parce que justement, ce réalisateur qui a fait Fort comme un homme, donc l'unitaire dont je vous parlais tout à l'heure, dont je te parlais tout à l'heure pour Arte, donc Stéphane Justy, il était co-créateur des Bleus. Donc c'est lui qui, après Fort comme un homme, me dit ah mais tiens, sur la saison 3 des Bleus, on cherche des auteurs, est-ce que ça t'intéresse? Et alors moi, je suis pas du tout polar, c'est pas ma corde. Mais en revanche, la comédie me plaisait et la comédie policière me plaisait. Et j'aimais bien en fait ce côté un peu sitcom, mais qu'à mon sens, il aurait fallu affirmer encore plus dans Les Bleus. Ouais. Mais voilà, ces intrigues de bureau, ces jeunes pieds nickelés, ça me plaisait beaucoup. Et je trouvais que la série, dans son versant polar, n'était pas forcément passionnante, alors que dans son versant comédie, elle avait beaucoup, beaucoup de qualités. Elle était moderne, elle était fraîche. Les personnages étaient super bien caractérisés. En termes de résultats visuels, c'était de la télé convenable, c'était pas particulièrement excitant, mais ça, je trouve que ça se tenait, et j'aimais beaucoup les acteurs. Je trouve qu'il y avait un super casting. Oui, tout à fait. Donc moi, ça m'a tout de suite plu. Je suis arrivée sur Les Bleus comme simple auteur en saison 3. On m'a confié un épisode et ça s'est vraiment bien passé. Je me suis beaucoup amusée à le faire. C'était bien d'être un peu parrainée par Stéphane, donc ça évidemment, ça m'a aidée. Mais je pense que le texte a fait ses preuves. Enfin, je me suis bien débrouillée sur mon épisode. Et comme souvent, en ces moments-là, quand on se débrouille bien sur un épisode, comme souvent sur une saison, il y a un accident, voire deux, sur d'autres épisodes. Généralement, les auteurs qui se sont un peu distingués en assurant sur le leur, en respectant les délais, en trouvant le ton assez vite, je pense qu'il était mon cas. Du coup, on m'a appelé un peu en renfort sur un épisode qui était un peu plus bancal, et puis sur un autre. Donc, au final, sur cette saison 3, j'en ai fait 3, dont un... en pompier, vraiment à la fin, parce que les auteurs patinaient un peu. Mmh. Et donc ça, je pense que ça m'a aidé à gagner la confiance des producteurs. Donc c'était Cipango à l'époque, qui ont intégré le groupe EuropaCorp, avec un tout jeune producteur qui s'appelle Damien Couvreur, qui s'occupait, qui était même plus jeune que moi. Là, on était vraiment les bleus chez les bleus, quoi. Damien qui débutait, moi j'avais 32, 33 ans, je pense. Et donc ça s'est vraiment bien passé sur la saison 3, si bien que la saison 4, on m'a demandé carrément d'assurer la direction de collection. Donc là, c'était un peu le grand saut. Là. Enfin, c'est mon deuxième grand saut après l'unitaire, parce que ça faisait seulement 2-3 ans, même pas, que j'étais scénariste. Et donc, je me sentais pas encore suffisamment expérimentée. Mais je crois que j'aimais vraiment cette série et que, un peu avec, comment dire, une forme d'inconscience et en même temps d'audace, je me suis dit, allez, je l'accepte, cette promotion, quoi. Ça arrivera pas souvent. Et puis... Puis s'il me le propose, c'est qu'il pense que j'en suis capable, à moi de me dire que je le suis. Et donc voilà, j'ai pris en main la saison 4, j'ai recruté plein de jeunes auteurs. Il y avait donc 8 épisodes. Les délais étaient extrêmement difficiles, courts. On a dû écrire 8 épisodes en 6 mois, je crois. D'accord. Et c'était cette époque où justement, c'est là quand je dis la chaîne l'a un peu torpillée, c'est qu'il y avait une urgence dans l'écriture. Peu de moyens, parce que de saison en saison, au lieu d'augmenter les budgets, au contraire, ils coupaient. Donc à la fin, je me souviens, sur la saison 4, on avait le droit à genre 2 décors extérieurs par épisode. Ah ouais. Et il fallait donc maximiser à fond le décor du commissariat, et à l'extérieur, on avait quasiment rien, donc c'était extrêmement restreint. Tout ça en nous demandant en même temps des histoires de psychopathes et de tueurs en série. Donc moi, une des premières décisions que j'ai amenées sur la table quand je suis arrivée à la direction d'écriture des Bleus, ça a été de dire je voudrais que dans cette saison, il n'y ait pas de mort, en fait. Il n'y ait pas de cadavre. Je pense qu'il y a suffisamment d'histoires intéressantes à raconter. Oui. Et que si on veut faire de la comédie... C'est pas évident. Oui. Le pédophile tchétchène, en fait, n'est pas raccord avec la comédie. On va pas rire avec ça. Les enfants violés, les cadavres dans les puits, c'est difficile d'en rire, même quand on est chez les Bleus. Ou alors, il faudrait aller sur un humour très noir, qui n'est pas non plus celui de la série. Donc, j'ai vraiment orienté... sur une saison plus légère, en fait, mais c'est pas parce qu'il y a pas de cadavre qu'il y a pas d'enjeu humain, non, en fait. Donc j'essayais de pousser mes auteurs à chercher des enjeux humains autres, pour que voilà, il y ait pas un rapport à la vie, à la mort qui nous écrase, et que ça laisse les personnages exister. L'autre difficulté, c'était que au fur et à mesure, encore une fois, choix éditorial à mon sens pas malin, ils avaient fait monter les personnages des adultes, en fait, du commissaire, donc c'était des comédiens plus confirmé qui était là, et donc au détriment des Bleus, en fait. Et plus ça allait, et plus ils nous demandaient de mettre en valeur ces personnages qui, à mon sens, devaient rester toujours des antagonistes et pas devenir les points de vue du récit, parce que nos héros, ceux qu'on aimait d'amour, c'était les Bleus. Et donc voilà, donc ça a été une lutte, mais tout ça a été très formateur. Je me suis pris des murs, des portes, je me suis un peu mise en colère, j'ai sauvé des choses, perdu des choses. J'ai un peu appris aussi à communiquer, parce que je pense qu'à l'époque, j'étais assez réactive. Mais aussi, je pense que c'était ma force, cette conviction. Je pense que ça les a surpris aussi d'avoir une femme jeune qui pouvait à ce point-là, en fait, réagir et s'opposer, alors même que j'avais peu d'expérience. Mais bon, j'ai aussi appris qu'à un moment, pour s'opposer, pour l'ouvrir, il faut avoir un peu d'expérience. On est quand même, sinon, pas très crédible. Après, j'ai appris à communiquer avec les conseillers de programme chez M6. Que je trouvais très interventionniste, très intrusif, ça a été dur. Communiquer avec des réalisateurs aussi, qui arrivent et qui, à peine, ils viennent de lire les textes depuis 24 heures, et puis ça y est, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et comment, et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est violent, en fait. Ouais. Mais c'était une expérience extrêmement riche. Je pense qu'aujourd'hui encore, j'en bénéficie maintenant sur 10%. Enfin, je suis très heureuse d'être passée par là pour avoir appris tout ça. Et avoir appris justement à communiquer avec ses différents interlocuteurs, ce qui est quand même, c'est à ce prix-là qu'on fabrique une série, donc il faut le savoir, tout ça. C'est pas juste une histoire de texte. Comment tu organisais ton travail avec tes auteurs ? Est-ce que t'avais mis en place une salle d'écriture, ou vous aviez des... Ça se passait comment, en fait, point de vue mécanique ? Ça se passait comme ça continue de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment, on n'avait pas de pièce à nous, on n'avait pas une writing room, on n'avait pas de bureau, donc tout ça est quand même très artisanal, informel, on se débrouille les uns chez les autres. Les Bleus, c'est une série qui n'est pas totalement feuilletonnante, il y a un peu de feuilletonnement, mais c'est quand même assez bouclé, les épisodes, donc on avait des lignes de feuilletonnement dont moi j'étais la garante, que j'avais posées au départ, que j'avais proposées à mes auteurs, mais après ils étaient tous assez autonomes, c'était souvent des binômes d'auteurs. D'accord. Ça rassurait la chaîne, je pense, de savoir qu'ils étaient deux par épisode. Et moi, du coup, j'étais reliée à peu près tous les épisodes et je faisais les versions finales. Moi, je chapeautais en fait l'écriture des 8. Et ils étaient, on les lançait en autonomie sur une intrigue que je bâtissais avec eux. Avec eux, c'est-à-dire que vous faisiez un fil à fil ensemble. Voilà, on faisait en gros, on discutait suffisamment pour savoir quel allait être le thème, les enjeux, en quoi ça allait concerner nos protagonistes. Ensuite, ils partaient de leur côté, ils mettaient ça en forme, ça revenait vers moi. En fait, c'était un jeu d'aller-retour. Et c'était formalisé à quel point le premier document, en fait, que vous faisiez ensemble, c'était un peu. Je pense que c'était un synopsis. Synopsis, d'accord. Oui, c'est ça. Mais moi, je rédigeais pas, en fait. Je leur laissais rédiger, puis après, d'accord, ça repassait entre mes mains et je pouvais éventuellement reprendre ou mettre en valeur certaines choses qui me semblaient plus importantes avant que ça parte au producteur. Ça passait toujours par moi avant d'aller au producteur, c'est moi qui l'envoyais. Et il y avait une grande complicité entre donc Damien, qui suivait évidemment l'écriture, qui était extrêmement impliqué. En fait, on était un peu deux à la tête, quoi. Ouais. Moi, en tant que scénariste et lui en tant que producteur, mais finalement, la direction de collection, on la faisait à deux en réalité. Tu avais tendance à massivement réécrire ou ça dépendait des épisodes? Ça dépendait vraiment des épisodes. Ouais. Je pense qu'après, c'était... T'avais pas l'obsession d'imprimer ta voix? Non, pas encore à l'époque. D'accord. Parce que je pense que j'étais encore un peu jeune, un peu neuve. Mm-hmm. Je faisais aussi vraiment confiance à mes auteurs. Mm-hmm. Ce qui est quelque chose que j'ai gardé, mais maintenant, je suis moins sensible. J'ai moins peur qu'on m'aime pas si je reprends le truc. Je pense qu'à l'époque, je voulais quand même leur laisser un espace pour s'exprimer, s'amuser. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses que je laisserai pas passer de la même façon, que je reprendrai de façon plus autoritaire, mais ça fait partie du jeu. Et aussi, du coup, je pense que c'est ça qui a fait que c'était une équipe assez joyeuse, assez solidaire. Après, ça apportait d'autres problèmes qui étaient que la plupart, je les connaissais bien, on était un peu de la même génération. Mm-hmm. Pour la première fois, j'étais en position d'autorité face à eux. Et puis, à des moments, c'est difficile en fait, d'être en position d'autorité. Il faut prendre la responsabilité de dire à un auteur, écoute, là, ça fait la quatrième version que tu me rends et elle n'est pas bien. Et moi, je regarde le chrono et on va tourner dans deux mois. Sûr. Et le texte, il n'est pas bon. Et donc, désolé, mais on ne va pas pouvoir continuer. Donc, devoir dire ça à des copains... Ouais, c'est très difficile. C'est très difficile. Et pourtant, c'est des décisions qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, on se rend compte souvent que si cette décision-là est juste, l'auteur le sait. Et même si ça lui fait mal sur le coup, il n'y a pas eu de rancune derrière. Mais ça nous est arrivé à deux reprises sur les 8 épisodes de voir un moment remplacer un binôme. Ce qui m'était arrivé la saison d'avant, c'est comme ça finalement que moi j'avais fait mes preuves. En fait, ça arrive tout le temps. Bien sûr. Il y a toujours un épisode en route qui est insuffisant, pas bien, où l'auteur n'a pas trouvé l'angle et ça patine. À un moment, on est pressé, il faut... Oui, puis on n'est jamais à l'abri d'être celui qui va donner exactement, ce texte-là. Pour des raisons qui nous échappent sur le moment. Mais complètement. Et c'est pas remettre en cause la qualité du scénariste, c'est juste le scénario qui ne va pas. Quoi. Mais c'est dur d'intégrer ça sur le moment où ça arrive, parce que c'est un peu un échec personnel de toute façon. C'est ça. Et donc ça s'était arrêté à la saison. Et du coup la quatrième saison, ça a été la dernière. Et avec une, j'étais vraiment triste parce que j'avais l'impression qu'on avait fait du bon boulot, on avait amené un nouveau personnage féminin parce qu'un personnage féminin était parti, on avait créé une nouvelle de petite bombe blonde, fille d'un malfrat, enfin qui était en tôle. Vraiment, on avait trouvé des bons trucs. Elle était vraiment vraiment piquante. On avait un personnage puceau qui m'amusait beaucoup. Et donc vraiment sur la comédie, vraiment moi c'était un super terrain de jeu et M6 l'a à mon sens mal programmé. Ils ont diffusé, je sais plus, ils mettaient des épisodes de la 4 suivis d'épisodes de la 3 et puis un peu de la 1 et de la 2 dans la nuit, ils diffusaient 6 épisodes d'un coup, ça, ils faisaient des soirées qui commençaient à 20h50 pour se terminer quasiment à 1h du matin, c'est ça, et du coup ça crée pas l'événement et ça passait complètement inaperçu que c'est une série qui avait commencé tellement fort, il y avait eu, mais c'était un énorme succès la création des Bleus et de saison en saison ça se perdait et les gens revenaient de moins en moins. Et moi, je pense que c'était vraiment une affaire aussi de mise en valeur, de communication. Ils ne créaient pas l'événement, en fait. C'était aussi un peu la période où M6 s'est un peu reconfiguré comme chaîne, où se détournait de la fiction pour aller vers les émissions de coaching qui coûtaient beaucoup moins cher. Donc, c'est vrai que c'est un peu mal tombé pour les Bleus. Quoi. C'est un peu dommage. Et puis, le public aussi changeait. C'était un public jeune et féminin, plutôt, M6 à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus... Fais pas ci, fais pas ça, c'est arrivé juste après ou c'est Non, fais pas ci, fais pas ça, c'est plus tard. Après Les Bleus, le gros truc pour moi, c'était Un Village Français. Fais pas ci, fais pas ça. D'ailleurs, Fais pas ci, fais pas ça. Enfin, je suis ravie d'y être passée, mais en réalité, j'en ai fait peu. D'accord. J'ai vraiment fait un épisode de la saison 4 que j'ai coécrit avec Marine Francou, et puis j'en ai coécrit un autre aussi avec Hook Dong-Tran. D'accord. Et donc, je me suis... Autant Les Bleus, j'ai vraiment eu l'impression à un moment, pendant un temps, c'était ma série. Enfin, c'est d'ailleurs, je pensais à ça, je réfléchissais beaucoup. Un Village Français aussi, c'était une série très préoccupante. Kaboul Kitchen aussi, parce que ça représentait un volume d'épisodes. Fais pas ci, fais pas ça. J'étais vraiment en position d'auteur assez tranquille, au service d'eux, qui le fait avec plaisir, parce que c'était de la comédie familiale, j'aimais bien ça. France 2, Service Public, enfin, et puis c'était des projet, copains qui dirigeaient, et c'est une série pour laquelle j'avais beaucoup d'affection. Mais voilà, je me suis jamais dit, je suis une auteure de Fais pas ci, fais pas ça, comme certains ont pu l'être. Il y a vraiment eu des auteurs à certaines saisons complètement piliers de Fais pas ci, fais pas ça, c'était pas mon cas. T'as réussi à prendre du plaisir sur cette série-là quand même ? Beaucoup. Ouais. Ah, vraiment, ouais, beaucoup. Ouais, parce qu'il y avait je trouvais que c'était une série où on était assez libre. D'accord. Qu'il y avait des personnages extrêmement bien dessinés. C'est très agréable d'arriver sur une série qui existe, en fait. Enfin, c'est agréable de créer, mais c'est beaucoup plus douloureux. Et c'est vrai, quand on arrive sur une série où il y a déjà une, deux, trois, quatre saisons, c'est un bonheur, quoi. Les personnages, ils sont tellement présents et ils sont tellement bien campés qu'on a qu'à s'en emparer. Les comédiens existent déjà. Enfin, tout ça, c'est plus simple. Et justement, alors, t'as écrit peu d'épisodes, mais comment ça se fonctionnait, Fais pas ci, fais pas ça, pour le coup ? Toujours pareil, dans le même esprit que Les Bleus, des réunions. Je ferai un gros parallèle. Pour moi, c'était à peu près pareil. En l'occurrence, Les Bleus, c'était un peu moi la chef. Là, je n'étais pas du tout la chef. Mm-hmm. Les chefs, c'était Cook Dong-Tran et Hélène Le Gall, qui étaient donc co-directeurs de collection tous les deux. Et on était une équipe assez nombreuse, parce que pareil, on écrivait en binôme. D'accord. Il y avait pareil 8 épisodes de par saison. Et on en faisait, comme pour Les Bleus, quelques réunions de départ pour... que les dircols nous transmettent le feuilletonnement, en fait, voilà, les arches, ce qui allait se passer dans la saison, on nous raconte ça pour qu'on soit tous au même niveau d'information sur, en gros, ce qui arrive aux personnages. Et ensuite, les épisodes étaient attribués, parce que dans la discussion, on dit « Ah, mais moi, j'ai cette idée, j'aimerais bien qu'il arrive ci ou ça à D'accord. tel ou tel personnage. » Et ensuite, on partait en relative autonomie sur notre épisode, où on proposait... une intrigue en discutant avec les voilà. dircols. Qu'est-ce que tu entends par relative autonomie ? C'est-à-dire tu les contactais à chaque étape du truc, ou quand tu avais une idée, tu leur en parlais avant ? Autant que je me souvienne, ce qu'on faisait, c'est qu'on savait, voilà, dans notre épisode, en gros, dans la famille Boulet, dans la famille Lepic, ils en sont à ce moment-là. Mm-hmm. Et ils nous disaient, essayer de nous trouver une façon de dramatiser ça, enfin, cet état-là. Alors... par exemple, ça va être Tiffaine et Christophe viennent de se séparer, donc elle est très triste. Donc, trouvez-nous une intrigue chagrin, une intrigue déni de la rupture amoureuse. Ou alors, voilà, Denis Boulet vient de sortir un livre, comment ça se passe, est-ce qu'il fait de la promo ou... Donc, à nous de proposer des choses. Enfin, on avait donc l'enjeu, en gros, et puis il fallait trouver les bonnes situations, la bonne intrigue qui allait mettre ça en valeur. Et ça, on le faisait... de façon autonome. Et ensuite, on revenait vers nos dircols en disant, voilà, on a eu cette idée, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon de le mettre en valeur ? Et à partir de là, voilà, aller-retour, ils valident ou ils ne valident pas, et puis nous, on rédige et on progresse comme ça. D'accord. Et c'était, pour le coup, pareil, réécrit, ça dépendait des scénars, ou s'il y avait quand même une grosse réécriture au niveau des dialogues derrière ? Alors, moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été conservées. Je trouve D'accord. qu'il y a pas. Ce qui est curieux, c'est plus des coupes, par exemple, ou voilà, des intrigues où on avait l'impression qu'il y avait besoin qu'elle se développe d'une certaine façon, puis hop, elle a été un peu compactée avec voilà des morceaux d'intrigues qui ont disparu. Mais donc la réécriture, elle s'est fait plus en termes d'économie de dramaturgie. Plus que sur le style. D'accord. Je pense qu'on avait cette chance avec Marine, ou cette qualité, d'avoir trouvé le ton. Assez vite le ton fait pas si. Ouais. Marine, elle est maman de 4 enfants, moi j'ai mon petit garçon. Moi, chacune y trouvait quelque chose à mettre de soi, et en général, Bien c'est sûr. Comme ça qu'on s'approprie aussi un registre, et on est tombé plutôt juste. Puis je pense qu'il y a une proximité, une complicité aussi avec Hélène et Cook, qu'on connaissait bien dans la vie, donc finalement leur ton, il nous était très familier, le ton de la série aussi. Donc sur les dialogues, c'est beaucoup resté. En revanche, ouais, sur l'économie de l'épisode, autant que je me souvienne, il y a eu pas mal de coupes qui ont été faites. D'accord. À l'écriture même ou au final? Je pense à l'écriture et je pense ensuite au tournage. D'accord. Et au montage. Ouais. Après, d'accord, c'est ça aussi la position assez confortable du simple auteur dans, ouais, une équipe comme ça, c'est qu'à un moment, on rend sa copie. Et puis, c'est pas qu'on s'en soucie pas de ce que ça va devenir. Évidemment, on est curieux, on est intéressé. Bien sûr. Parfois, on peut être un peu frustré si un truc entier disparaît parce qu'ils ont décidé que c'était nécessaire pour X raisons. Mais ça ne nous affecte plus tant que ça, en fait. Après, c'est leur partie, c'est eux qui vont gérer le stress de ça, des lectures avec les comédiens, de ce que c'est faisable, pas faisable, de ce que va dire le réal. Oui, et puis sur ce qui a été coupé, on ne sait jamais totalement les raisons, voilà, pourquoi après, ça a été coupé. Ça, c'est les dircols qui s'en soucient, c'est eux qui prennent ce genre de décision avec les producteurs. Donc, y a un moment où nous, quand on vient faire un épisode comme ça, on repart ailleurs sur d'autres projets et finalement on leur fait confiance et bon, après on est content de voir le résultat, mais c'est pas, comment dire, c'est moins proche de soi, quoi. C'est moins personnel. Moins personnel. Ouais. Et donc sur Un village français, t'étais sur quelle saison, en fait? Alors moi, Un village français, c'est vraiment extrêmement important pour moi. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais donc à peine fait mon unitaire pour Arte et un tout petit peu Les Bleus. Est-ce que je commençais déjà à faire la dircole des Bleus? Ouais, je crois que je suis rentrée cette année-là. C'est concomitant. D'ailleurs, ça a dû jouer aussi dans le fait que Krivine m'a fait confiance. Ouais. Donc, je suis arrivée. Moi, il y avait seulement 12 épisodes du village. Donc, je suis arrivée. Ça s'appelle la saison 3. Oui. Ça pourrait être la saison 2, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais ouais, la première saison du village a été divisé coupée en deux. Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis arrivée à l'épisode 13, en fait. Et je suis restée jusqu'à l'épisode, je ne sais plus, 60. Donc... D'accord. Donc, je suis restée, donc ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça s'est vraiment bien passé. Et donc j'ai été recrutée par Krivine. Voilà, j'ai passé mes tests comme les gens qui rentraient dans l'atelier. C'était quel genre de test, si c'est pas indiscret? C'était... on n'écrivait pas. Alors moi, il se trouve que j'étais quand même un peu recommandée parce que je connaissais bien Benjamin Dupas. Mmh. Avec qui on venait de créer le SAS. Ouais. Donc c'était cette année-là, ou peut-être l'année d'avant, je ne sais plus quand on a créé le SAS, en 2007, je crois, 2008, je ne sais plus. Et donc Benjamin, donc il y avait Frédéric Azémar, Benjamin Dupas, Marine Francou, qui étaient déjà dans l'atelier du village. Moi, je les connaissais tous. Et quand on a su qu'une place se libérait dans l'atelier, ils m'en ont tout de suite parlé. Donc je pense que j'avais déjà... pour Krivine, ça c'était bien, c'est-à-dire que j'étais déjà recommandée par plusieurs de ses auteurs, mais ils ne me connaissaient pas. Et ce qu'il fallait faire pour entrer dans l'atelier, c'était donc visionner évidemment la première saison qui existait déjà, lire des textes et faire des retours, évidemment argumenter au-delà de j'aime pas, quoi. Sur un épisode en particulier, je ne me souviens plus lequel c'était. Peut-être qu'on avait même le choix entre un ou deux épisodes, dire je vais m'attacher à parler de cet épisode-là. Sa construction, sa dramaturgie, les enjeux sur les personnages. Je me souviens qu'il m'avait demandé quel est ton personnage préféré. Et puis après, je pense qu'il y avait aussi une affaire un peu de culture générale. Enfin, moi, le fait que j'avais fait Sciences Po, que j'ai fait une Hippocane, une Cannes, donc j'avais une culture relativement classique, une culture en histoire qui était quand même assez sérieuse. Ouais. Donc ça jouait aussi dans mon profil. Et puis, moi, j'ai essayé, je me souviens de ce jour-là, au Café Charbon, à côté de chez Krivine, où j'ai essayé de jouer vraiment la liberté de parole, en fait, de me dire, évidemment, j'adorais rentrer sur cette série, parce que les autres m'en avaient parlé, je l'avais vue, je la trouvais vraiment super, surtout dans son écriture, en fait, puisque dans sa forme. Et d'être assez décontractée, en fait, de jouer la sincérité, de dire vraiment, bah, non, ce personnage, il me touche pas, ou ça j'ai pas bien compris, ou je vois pas, voilà, ça m'intéresse moins, mais en revanche ça m'intéresse, enfin, d'être assez honnête et c'est comme ça que ça s'est passé et Krivine m'a recrutée. Et ça a été vraiment important parce que l'atelier du village français, ça a été mon école, en fait, l'école que j'avais pas faite, où j'avais un peu appris sur le tas par l'unitaire pour Arte ou pour Les Bleus. Avec Krivine, ça a été une vraie école parce que là j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait formalisé ses outils, qui était capable de les transmettre, qui était capable de parler de technique. Et c'était la première fois, moi, que ça m'arrivait, qu'on parlait de construction, enfin, on parlait de dramaturgie, vraiment, quoi. Et c'était non seulement passionnant, extrêmement enrichissant, mais ça m'a fait faire un bond, je pense. Enfin, ça a marqué un vrai tournant dans ma pratique, dans ma compréhension du métier, même ma compréhension de moi-même. Enfin, tout ça est très relié. Mais donc c'était fondamental, quoi, l'arrivée dans cet atelier. Avec aussi le fait que c'est une école de la modestie, parce qu'on est sous la houlette d'un chef fort, qui est le créateur de la série. Donc ça aussi, ça permet d'apprendre à rester humble et modeste et travailler dans la soute. Et que lui, de toute façon, réécrira tout et tout ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on doit toujours aller chercher plus loin pour le surprendre. Et puis vous êtes là pour alimenter son récit, en fait. Exactement. Et donc ça a été vraiment très formateur. Et en termes de confiance en moi aussi, ça a été assez chouette, parce que je me souviens, j'étais quand même un peu intimidée. J'étais la petite nouvelle. Bien donc sûr. Voilà, on fait l'atelier. Puis après, on nous désigne. Voilà, toi, tu feras le séquencier de tel épisode. Moi, je crois que c'était l'épisode 15 à l'époque. Donc, c'est mon premier épisode du Village français où j'ai dû faire mon séquencier. Et donc, les retours sont bons sur mon séquencier. Et là, Karine me dit, tu passes au dialogue. Donc là, c'était genre la reconnaissance ultime, parce que je pensais pas, en étant nouvelle dans l'atelier, que j'allais avoir le droit de dialoguer. Dialoguer un épisode. Et j'ai eu le droit très vite. Après, la méthode Krivine a évolué. Il y a une époque où en fait plus personne ne dialoguait. Mais ce moment-là, c'était encore le moment où on avait l'impression qu'on était un peu distingué quand on avait le droit de dialoguer. Ouais. Et donc ça, c'était assez émouvant pour moi, quoi. Tu sais pourquoi il a fait évoluer sa méthode de travail, qu'il arrêtait de faire dialoguer? C'est parce qu'il réécrivait énormément les dialogues. Parce qu'il réécrivait énormément les dialogues, parce que parfois, je pense qu'il avait l'impression que ça lui prenait plus de temps. Ouais. De réécrire ce que quelqu'un avait fait que de commencer tout de suite. D'accord. C'est ça aussi, c'est une position particulière, hein, d'être, j'en sais quelque chose maintenant sur 10%, mais quand on est créateur et qu'on doit diriger les auteurs, il y a toujours un moment où à la fin on a extrêmement besoin d'eux. Mm-hmm. Et puis parfois ça donne un résultat très fertile et qui nous porte, et en fait on peut utiliser vraiment tel quel qu'ils nous ont donné, c'est tout de suite raccord avec le ton. On peut garder des pans entiers d'histoire et de dialogue, et tant mieux, et ça avance vite. Et puis il y a d'autres fois, effectivement, maintenant je le comprends. Alors Krivine, il est presque dans une caricature de ça, c'est-à-dire que lui, il a une vision qui est tellement personnelle, si bien que parfois c'est difficile même pour nous de savoir exactement. On peut pas être Krivine à la place de Krivine, en fait. C'est dur de faire du Krivine. Ouais. Il est assez unique. Et donc parfois, voilà, je sais qu'il, c'est pas qu'il nous le reprochait, mais il sentait que finalement c'était pas une grosse valeur ajoutée, quoi. Nos dialogues, enfin, qu'il allait de toute façon tout bazarder. Alors ça sert pas à rien, parce que le scénario, on le sait, c'est une des histoires aussi de branches qu'on coupe. Mm-hmm. Et ça aide de dire, voilà, je vais essayer d'aller sur cette branche, de voir que c'est pas la bonne et de la couper. Il fallait bien que quelqu'un y aille sur la mauvaise branche pourrie. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir l'impression d'aller tout le temps sur les branches pourries, et que lui, il est le seul à connaître le beau tronc bien vigoureux. Voilà, je ne montre que les mauvais chemins. Ouais, c'est ça. Mais ça sert. Ça aide à trouver le bon. Ça aide, en fait. Moi, je le vois bien sur 10%. Il y a des fois, on est en réunion, on a l'impression que c'est une bonne idée. Je dis à mes auteurs, allez, feu vert, développez-moi cette intrigue. Et puis, en fait, en la lisant, je me dis, non, elle n'est pas non plus super excitante, cette intrigue, quoi. Ouais. Et voilà, désolé, il faut recommencer. Bon, et je pense que lui, il y a eu des moments sur les dialogues où il réécrivait tellement que, en fait, autant qu'il le fasse directement, quoi. D'accord. Et niveau égo, ça allait? Bah oui, en fait, moi je trouve que c'est une super école et elle va bien, bien avec le métier de scénariste. C'est quand même un métier où je pense qu'il faut avoir de l'égo. Et qu'il y a des moments, ça, c'est très utile pour l'apprentissage d'en avoir moins. Enfin, c'est quand même un jeu de savoir quand l'utiliser. Et plus c'est personnel et plus il faut en avoir, je pense. Mm-hmm. Parce qu'il faut avoir de la conviction, il faut aussi être capable d'aller dans des zones de soi un peu surdimensionnées pour créer des bonnes histoires. Donc c'est important d'avoir un égo fort. Mais à d'autres endroits, justement, quand on est plus en phase d'apprentissage, c'est hyper important d'être dans quelque chose de plus discipliné, modeste. Donc, ouais, je dis pas qu'il n'y a pas des moments où c'était pas un peu agaçant. Bien c'est sûr. Vrai que des fois, on envoie sa copie, on a un retour pas terrible, et puis on voit qu'il en reste rien. Ou non, le pire, c'est on envoie sa copie, on a un très bon retour, et puis un mois plus tard, il envoie sa version, et il reste rien. C'est à s'arracher les cheveux, quoi. Mais bon, on sait aussi qu'on fait partie d'une belle série, qu'il y a quelque chose de... Oui, qui est c'est pas tant que c'était prestigieux un Village français, mais je pense qu'en termes de dramaturgie, ça a marqué quelque chose d'assez différent dans le paysage des séries françaises, quoi. Et c'est des expériences. De toute façon, c'est une expérience qui t'a fortement servi pour la suite, j'imagine, pour 10%. Aussi parce que ça donne une méthode, en fait. Ouais. Parce que Krivine, il nous apprend à avoir des réflexes. Après, on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes que Krivine, aux mêmes endroits. Mais de toute façon, ses réflexes, ils sont toujours liés à un psychisme. Donc lui, il est qui il est. C'est un homme blanc, d'une cinquantaine d'années, hétérosexuel, né à un certain endroit. Enfin voilà, ça donne qui il est. Bien sûr. Et avec ses réflexes, ça donne un village français. Moi, les mêmes réflexes, mais appliqués à qui je suis moi, ben, ça donne autre chose. Bien sûr. En l'occurrence. Mais ces réflexes-là, de construire, de essayer toujours de veiller à ce que l'empathie et l'attention, enfin, pour moi, c'est ça que je retiens de l'enseignement de Krivine, c'est empathie et tension. Comment avoir toujours les deux en ligne de mire et comment les servir, enfin, c'est ça que j'ai appris sur un village français. Tu as travaillé, c'est sur la saison 3 de Kabul Kitchen, c'est ça ? Sur la 2 et la 3. Sur la 2 et la 3. Mmh. Comment ça s'est passé cette expérience-là ? Parce que c'était assez particulier, j'imagine, Kabul Kitchen, surtout la saison 3. D'abord la saison 2. Ouais. On est arrivé avec Benjamin Dupas et Cook Dong Tran. Donc on fait tous les trois partie du collectif Le Sas, on se connaît depuis longtemps. Il se trouve qu'on a tous les trois le même agent, qui est aussi l'agent de Jean-Patrick Bénès et Alan Mauduit, qui sont les créateurs de Kabul Kitchen, qui ont fait toute la saison 1, qui l'ont écrite en entier, qui ont été aussi les réalisateurs. La saison 1 est une saison assez difficile pour eux. Et pour plein de raisons, ils ont décidé en saison 2 d'amorcer l'écriture, mais de ne pas faire l'intégralité de la saison, aussi parce qu'ils écrivaient chacun un long métrage qu'ils avaient vraiment envie de faire. Et donc, ils cherchaient une équipe d'auteurs pour prendre le relais en milieu de saison, en fait. Et donc là, on a passé aussi un casting d'auteurs, ouais. Benjamin Cook et moi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, on s'était proposé comme déjà un pool, tous les d'accord. trois. Et que ça a fait peur aux producteurs. Je pense qu'ils avaient peut-être peur que ça nous rende un peu fort, comme ça, d'être trois très complices. Du coup, ils n'ont pas vraiment voulu nous prendre tous les trois. Ils nous ont dit non, mais passez un casting d'auteur. Donc, on a passé un casting avec plein d'autres personnes. Et au bout du compte, on a quand même été pris tous les trois. Donc, on est arrivé à ce qu'on voulait. C'était marrant. Et on était contents. Et donc, nous, on a fait les épisodes de 7 à 12. On a fait Alan et JP, les créateurs, ont fait les 6 premiers. On était quand même liés, c'est-à-dire qu'on a assisté aux réunions, on a pu participer, dire des choses. Mais c'était eux, les chefs. Oui. Et ils nous ont transmis le relais avec une idée un peu des arches, mais au final on s'est quand même pas mal approprié les 7 à 12. C'est nous qui les avons fait tous les trois. D'accord. Donc on en faisait deux chacun, et voilà, donc la saison 2 elle s'est faite. Et puis en saison 3 il y a eu beaucoup d'obstacles qui d'ailleurs sont toujours il en reste encore à franchir, mais ouais. Il y a eu un énorme événement qui était le départ de Gilbert Melki, donc qui arrête la saison, qui joue Jackie Robert, donc le héros de la série. Sachant que des épisodes étaient déjà écrits. Ah ben sachant que du coup à la fin de la saison 2, Cook Dong Tran a repris la direction de collection. Benjamin et moi on est partis sur d'autres projets, moi en l'occurrence 10% et Benjamin un projet pour Canal+. Et donc Cook s'est retrouvé à diriger Kabul Kitchen saison 3, il a recruté des auteurs, ils ont fait des arches, ils ont travaillé pendant je pense 8 ou 9 mois, donc ils avaient les arches de la saison et plusieurs épisodes dialogués. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont appris le départ de Gilbert Melki, donc ça a été un énorme coup dur, on a cru que la série mourait. Bah oui. Donc on l'a réanimé péniblement, il y a eu des réunions très compliquées à la prod, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est possible qu'une série survive à la mort de son héros ? Bien sûr. Là, aujourd'hui, en parlant, j'en sais rien en fait, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de ça. Donc croisons les doigts pour Kaboul, mais du coup ça a pris beaucoup de retard l'écriture. Et pour les producteurs, vous imaginez la perte que c'est, hein, de tirer comme ça. Enfin, bien sûr. Affectivement, financièrement, c'est énorme pour Canal, c'est énorme, c'était un peu leur seule comédie. Oui. Donc, il y a Hard aussi, mais voilà, qui marche quand même assez bien. Kaboul, c'est un programme important chez Canal+. Donc, très, très gros coup dur. Et il a fallu encore, je ne sais pas, là, j'ai même plus le calendrier en tête, mais là, la saison est en cours d'écriture. Donc, moi, j'ai accepté de revenir. Ils nous ont rappelé ouais. les auteurs historiques, enfin, ceux qui étaient passés en saison 2, revenir pour trouver des solutions, quel personnage nouveau. Et voilà, donc moi, j'ai accepté d'en écrire un pour cette saison. Voilà. D'accord. Donc que j'ai fini là et normalement le tournage doit être là en février ou en mars. D'accord. Donc ça normalement enfin, il y aura une saison 3 de Kaboul, mais avec du coup un long temps entre les deux, ce qui est jamais bon. Non. On voit aujourd'hui avec les revenants, c'est toujours très compliqué d'avoir des grosses interruptions. Donc voilà, je sais pas. Là je sais plus très bien. Est-ce que ça va faire 3 ans maintenant? Ouais, c'est ça, ça fera 3 ans. Ouais, c'est long. C'est long. C'est long parce qu'on perd les gens. Après, on ne sait plus qui est qui. Ah oui, mais c'est qui lui déjà? Ah, il est sorti avec elle. Et sans la tête d'affiche en plus. Sans la tête d'affiche. Non, c'est un gros pari. Ouais. Voilà. Bon, je souhaite très fort que ça continue et que ça marche et que les gens soient là. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'inconnus dans l'équation, quoi. On va parler un peu de 10%, donc qui marche très bien sur France 2 en ce moment. Je pense qu'au moment où le podcast sera sorti, on sera en plein dans la vente du DVD ou quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça a été une série qui a mis énormément de temps à se monter, en fait. Pourtant, de là où elle venait, on pouvait se dire qu'il y avait des chances que ça se fasse vite. C'est une idée de Dominique Besnéard à la base. C'est une idée de Dominique Besnéard. Donc là, je parle d'une époque où moi, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, j'étais absolument pas liée au projet. Je devais être dans un village français à l'époque. Donc ça remonte à il y a, je pense, 7 ou 8 ans. Et Dominique Besnéard, qui a été longtemps agent, célèbre agent, qui a lancé beaucoup de l'agent le plus célèbre de France. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, il a un peu arpenté tout le cinéma français. Il a d'abord été comédien, il a été assistant, il a été directeur de casting, il a été donc agent pendant longtemps, agent emblématique d'Art Média, qui est une très grosse agence. Et puis, il est arrivé un moment de sa vie, je pense, où ça, c'était extrêmement envahissant, ce métier. Je pense qu'il était fatigué, donc il est devenu producteur, il a arrêté d'être agent. Et une de ses premières idées, peut-être même sa première idée de producteur, ça a été pourquoi pas une série sur les agents. Il y a des séries sur les flics, il y a des séries dans les hôpitaux, sur les avocats, les juges. Une agence, ça serait une bonne arène. Et il avait une bonne intuition. Pour le coup, il ne connaissait rien à la télé, mais c'était une bonne idée. Tout à fait, bien sûr. Et voilà. Et donc ça c'était son idée de producteur. Il n'avait pas encore grand-chose, mais il a commencé à... Je pense un peu raconter des histoires, un peu à formaliser un premier univers. Mmh. Il a contacté Nicolas Mercier, qui était l'auteur de Clara Scheller, beau succès de France 2, qui était un bon choix, je trouve, parce qu'avec justement cette écriture assez mordante, moderne. Mmh. Et ils sont partis chez Canal+, le proposer au départ. Ils disaient c'est sûr que c'est un projet pour Canal. Et Canal, effectivement, a lancé un développement. Sauf que ce développement, il s'est pas super bien passé, ça a pris du retard pour plein de raisons. Là, encore une fois, moi, j'y étais pas, donc je peux pas vous donner les détails de quoi ou pourquoi, mais de ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai entendu, c'était un mélange de réussir à tomber d'accord sur la définition de l'arène des personnages du ton entre auteur, producteur et diffuseur, donc Canal. Mmh. Je suis pas sûre qu'ils étaient absolument d'accord tous. Ouais. Et puis après, des problèmes personnels où Nicolas a eu des soucis dans sa vie qui ont fait qu'il livrait un peu avec retard les textes. Donc Canal s'est un peu lassé. Bon, enfin, des choses qui arrivent tout le temps. Hein, mais bien sûr. Au bout d'un moment, je pense que ça a mis peut-être un an et demi. Ça n'avançait pas assez vite et Canal+ s'est lassé. Ils ont décidé d'interrompre le développement. Donc Dominique est reparti avec son projet sous le bras. Ouais. Et avec Nicolas Mercier. Et puis pendant un temps, moi, ils pensaient que c'était peut-être mort, quoi. Et ce qui a vraiment été décisif pour relancer le projet, ça a été la rencontre entre Dominique Besnéard et Harold Valentin, qui est aujourd'hui coproducteur de la série, qui lui venait aussi de devenir producteur après avoir été longtemps conseiller de programme chez France 2. Donc il connaissait très bien France 2. Il avait lancé Clara Scheller chez France 2. Il avait lancé Fais pas ci, fais pas ça chez France 2. Donc c'était un conseiller de programme identifié sur quelque chose d'assez moderne, enfin avec des intuitions. De programmes plus jeunes sur France 2. Et donc, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais ils se sont rencontrés et Harold lui dit, mais pourquoi pas France 2, en fait? Pourquoi on n'irait pas le proposer? Moi, je pense que je sais. Voilà, il faut qu'on en parle. Je pense qu'avec un certain ton, on peut accrocher France 2. Et il avait raison. Et donc, ils sont repartis toujours avec Nicolas aux manettes chez France 2. Et moi, c'est à ce moment-là que je suis arrivée sur le projet. Donc, j'ai été contactée par mon agent qui me dit... il y a une série sur le milieu des agents et des stars à Paris, impulsée par Dominique Besnéard, Nicolas Mercier aux manettes. Ils cherchent des auteurs, ça t'intéresse. Donc alors là, moi, j'étais comme une folle. J'imagine. C'est hyper sexy, ça change, c'est un territoire qu'on ne connaît pas. On n'est pas dans du polar, on n'est pas dans la comédie familiale. Nous, souvent, les auteurs, on se dit, il y a 50% de polar, 35% de comédie familiale, et puis après, il reste un peu cette petite zone de 20% là, du drama un peu autre. Et on veut tous en être de celui-là. Et donc là, je voyais qu'il y avait la possibilité sur le service public, donc avec un vrai budget et tout, Donc ça m'intéresse tout de suite. Je passe le casting d'auteur, je suis recrutée. en binôme avec Cook Dangtran, qui est évidemment très présent dans cette émission. Et voilà, parce qu'on se connaît bien, on était très liés. Et on est recrutés tous les deux pour écrire un épisode. Donc à l'époque, la commande était la même qu'aujourd'hui, c'était 6 épisodes. Nicolas commençait à écrire seul les 2 premiers, puis il avait recruté des auteurs pour écrire les 4 suivants. Et Cook et moi, on écrivait le 3. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Nicolas a eu du mal à se mettre d'accord avec la chaîne. D'accord. Donc, je pense que c'est un auteur, je pense que c'est un excellent auteur, qui est probablement meilleur quand il travaille seul ou en binôme qu'en équipe. D'accord. Ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui n'est pas d'ailleurs le souhait de tout le monde. Et puis, ce n'est pas obligatoire non plus. Mmh. En télé, c'est souvent utile de pouvoir travailler en équipe. Mais bon. Oui. Donc, je pense que ce n'était pas forcément un endroit où il était très confortable. L'idée de devoir transmettre, discuter, je pense que c'est quelqu'un qui est à l'aise quand il est tout seul avec son écran. Et la relation avec la chaîne était aussi un peu tendue. Parce que je pense que Nicolas avait une touche comme ça assez piquante, probablement plus cynique que ce qu'on en a fait aujourd'hui. Ouais. Et c'était quelque chose dont la chaîne ne voulait pas. Et donc là, il y avait des tensions sur la définition du registre, du ton de la série. Et évidemment, du coup, du traitement, quoi. Il y avait aussi une intrigue polar à l'époque, mais ce qui ressemblait vrai, à aujourd'hui. Oui, il y avait une intrigue polar parce que la mort du patron. Du patron, spoiler. Il était tout de suite mort. En fait, on arrive dans la série, il était déjà mort, et donc il y avait quelqu'un qui enquêtait sur pourquoi il était mort. D'accord. C'était un peu inspiré d'une vieille histoire réelle du milieu du cinéma français où un agent emblématique d'Armignac qui s'appelait Lebovici a été assassiné en fait dans un parking, je crois, chez Canal+. Je connais l'histoire. Et voilà, et donc il y avait un peu ça qui planait, donc ça après on l'a enlevé, mais bref, il y avait et puis c'était tout était raconté du point de vue du mort, donc du patron mort, qui il y avait une voix off comme ça sur tous les épisodes. Bon, donc c'était d'accord. Très très différent. Ah oui, mais même au niveau tonalité, ça devait être plus dramatique très, en fait. Pas tant que ça, c'était plus non, il y avait une espèce de désinvolture, parce que ce patron mort jouait un peu avec ses agents, là. C'était un peu comme si c'était lui qui les manipulait vu d'en haut, quoi. D'accord. Il y avait quelque chose comme ça. Ah, c'est marrant. Bon, bref. Mmh. Et donc, ça collait pas totalement avec France 2. Donc, nous, on avançait quand même sur nos épisodes, les auteurs du pool, notamment Cook et moi, sur cet épisode 3. On avait proposé, nous, un thème qui serait parents-enfants dans le milieu du cinéma. Ouais. C'était un thème qui nous plaisait. Ça, c'était notre impulsion. Donc, on était lancé sur notre épisode. Et en fait, il y a eu une sorte de période assez curieuse qui est que plus ça se tendait entre, finalement, Nicolas, les producteurs et la chaîne sur cette histoire de définition du ton, et plus nous, ce petit épisode 3, il commençait un peu à prendre forme et finalement à séduire. Mais nous, on ne le faisait pas. Il n'y avait aucune stratégie dans l'histoire. On était hyper sincères. On le traitait à notre façon. On rigolait à notre façon avec nos personnages. Et finalement, il est devenu l'étalon de la série, cet épisode 3. Et donc, d'accord, c'était un peu curieux comme situation où un épisode qui n'était pas écrit par le directeur de collection s'impose comme celui qui a la juste tonalité, en tout cas celle dont la chaîne veut, et qui convient au producteur. Bien sûr. Donc, moment un peu de flottement. J'imagine. Ouais, et puis Nicolas, par ailleurs, développait un long métrage qu'il s'apprêtait à réaliser. Et donc finalement, il y a eu une sorte d'accord un peu entre tout le monde où Nicolas est parti faire son long, a laissé 10%. Je pense qu'il commençait aussi à se lasser, ce qu'on peut comprendre, entre l'expérience chez Canal. C'est usant quand même tout ça. Oui, et donc ça faisait quoi ? Pour lui, ça faisait 6 ans de... Oui, avec par intermittence. Par intermittence, ça fait long pour ça un Ça fait long, et je pense qu'il y a un moment où on se dit, bon, ben voilà, si ça ne s'impose pas, ça ne s'impose pas. Quoi. Ouais. Et donc, il a quitté la série, et nous, on nous a proposé de reprendre la DIRCOL. Donc, on a accepté. Il y a eu un petit temps où on a travaillé à deux, Cook et moi, sur la... Alors là, on s'est réemparé du truc. On a enlevé l'enquête policière, on a enlevé la voix off, on a enlevé... Enfin, le mort, on l'a fait mourir à la fin du 1 et non pas dès le début. Et puis on a commencé à recaractériser les personnages. Et puis, à ce moment-là, Cook a eu cette proposition de prendre la tête de Cable Kitchen saison 3. Ouais. Et donc un peu dilemme, et finalement il a choisi Cable Kitchen. Il a choisi Cable Kitchen, et je pense qu'en fait c'était une bonne idée, non pas qu'on s'entendait pas, on s'entendait bien, mais ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Mais en fait, créer une série à deux cerveaux, surtout si c'était pas comme ça que ça s'est fait au départ, c'est pas une idée qui vient de ces deux-là, c'est un peu une commande, on arrive un peu par la petite porte, c'est difficile en fait, et même si on s'entend très bien. Et même si on est complice, parce qu'à un moment, il y en a un qui va vouloir y mettre plus ceci et l'autre plus cela. Alors, bien soit sûr, on essaie de faire des compromis, et puis c'est un peu frustrant. Et puis si on s'entend bien, on les fait quand même justement pour pas fâcher l'autre. Mais finalement, ça abâtardit un peu le truc. Tel personnage, il y en a un qui voudrait qu'il y ait plutôt cette couleur, l'autre plutôt telle autre. Et finalement, c'est dur de conjuguer quelque chose qui doit venir d'assez loin en soi pour que la création soit bonne. Donc, c'est un peu comme une entreprise avec deux chefs, quoi. C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment fonctionner dans les faits parce qu'on fait trop de compromis. Exactement. Quoi. Et il n'y a rien contre personne, en bien fait. Sûr. C'est pas il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. Évidemment. C'est juste que la rencontre entre les deux crée un peu des frictions et puis ça fait un peu perdre du temps et puis ça crée aussi de l'incertitude, du flou. Bon. Donc finalement, je pense que ça, on le savait tous les deux, on le sentait. Ouais. Et que c'était un peu un soulagement à la fois de rester très très proche, enfin d'avoir toujours beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais de se dire peut-être que c'est mieux si on a chacun son territoire, parce qu'on pourra mieux s'exprimer, on va pouvoir plus s'épanouir, quitte d'ailleurs à s'embaucher mutuellement après, mais avec des rôles définis. Avec des rôles définis, voilà. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que je remarque aussi en avançant dans mon trajet, que les auteurs avec qui on adore collaborer, c'est pas mal de, à un moment, se mettre sous l'autorité de l'un ou sous l'autorité de l'autre. Bien sûr. D'alterner les positions, mais pas forcément d'être exactement à la même place hiérarchique, parce que c'est là où ça crée parfois un peu des... Finalement, on s'apporte moins. Mmh. Alors que voilà, des gens comme Cook ou Benjamin Dupas, qui est mon co-auteur historique avec qui j'ai beaucoup travaillé, on se rend compte qu'on est meilleur quand il vient écrire avec moi sur 10%. Du coup, à la fin, c'est moi qui tranche. Mmh. Où je l'ai fait pour lui sur un projet qu'il avait en développement chez Canal qui s'appelait JC Premier. Ouais. Et voilà, j'étais à son service. Et c'est mieux que si on est à égalité, en fait. On s'apporte plus de choses. Oui, au moins quand les décisions sont prises, on sait pourquoi elles sont prises. Ouais. C'est parce que l'autre a l'ascendant, si on peut utiliser ce mot-là. C'est plus clair, au moins. Oui, et puis dans la place de celui qui est là pour aider l'autre, c'est aussi une bonne place. C'est bien une sûr. Place d'amis, c'est une place de tiens, je vais t'aider, je te propose ça, est-ce que ça te plaît ? J'alimente, que je donne. J'alimente, voilà. Et c'est pas genre, et si on faisait ça ? Ah non, j'aime bien ou j'aime pas, ou c'est compliqué. Et puis même dans l'autre sens, ça peut être aussi bon, bah ça je vais laisser tomber parce qu'il aime pas trop, alors que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Exactement. Et juste, exactement. Au final, ça peut même desservir le projet assez grandement, quoi. C'est ça. Non, c'est plutôt sain comme manière de voir. Et donc sur 10%, c'est ce qui s'est passé. Donc tout ça pour dire que toutes ces étapes ont fait qu'à la fin, bah, je suis devenue un peu la chef de l'écriture, mais que c'était pas du tout indiqué au départ. On n'est pas venu me chercher moi. Donc il y a eu un moment, là j'avoue c'est un moment quand même assez chaud, parce que je pense que les producteurs ont été déstabilisés, je pense qu'ils avaient confiance, le binôme qu'on formait avec Cook, lui en plus était quand même, avait la réputation de celui qui avait dirigé deux saisons de Fais pas ci, fais pas ça, c'était très rassurant. On travaillait avec la même conseillère de programme chez France 2 qui s'appelle Fanny Rondeau, c'est elle qui a suivi tout 10% et qui était aussi celle qui suivait Fais pas ci, fais pas ça, donc elle connaissait très bien Cook. Donc il y avait quelque chose, je pense, d'un peu... stressant pour eux, pour moi aussi du coup par extension, parce qu'il fallait que je fasse mes preuves et que je bien leur dise si vous avez bien fait de me faire confiance, vous allez voir, on va faire un super truc. Donc là, bah, il a fallu gagner leur confiance, me réapproprier vraiment le truc, sortir un pilote, parce qu'au bout du compte on n'avait toujours pas de pilote bien, on n'avait pas d'arche et en même temps on était pressé par le temps. Ouais, c'était un sacré bazar, cette période. Du jour où tu as pris, entre guillemets, les commandes, enfin non, d'ailleurs pas de guillemets, les commandes de la série, et je vais pas dire le premier jour de tournage, mais il s'est passé combien de temps, en fait ? Peut-être 2 ans, un peu moins de 2 ans. 2 ans de développement, d'accord. Ouais, c'est ça. Il a fallu... Il y a eu un temps pour poser le pilote, qui a été assez long. Ouais. À partir du moment où je me suis retrouvée toute seule, on avait déjà bien déblayé avec Cook sur une base qui était déjà posée par Nicolas Mercier, parce qu'on n'a pas du tout bazardé. Hein, bien sûr, bien Nicolas sûr. Nicolas avait posé les personnages, avaient des traits communs avec ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était un peu une espèce de lointain cousin, mais il y avait des couleurs déjà posées. Il y avait le thème du vieillissement de l'actrice, il était déjà posé. Ça, on a gardé. Après, on a changé complètement le traitement, mais... Donc il y avait beaucoup de trucs qui étaient là. On a retravaillé avec Cook. Ensuite, quand il est parti, j'ai retravaillé avec une auteure qui s'appelle Sabrina Karine, qui m'a vraiment aidée. À un moment de grand stress, elle était très rassurante. Et à partir du moment où on a posé le pilote, je pense qu'il a dû être validé en juin, il me semble. Et après, il y a eu un an et demi avant le tournage. On a tourné en novembre de l'année d'après. Donc voilà. Mais après, ça a été beaucoup plus rapide, en fait. C'est des mois et des mois pour sortir ce pilote. Ouais. Et puis après, finalement, les 5 autres, ils suivent beaucoup plus vite, quoi. Ils suivent en 9 mois, peut-être. Et tu t'es organisé comme sur les bleus, ou t'as mis en place quelque chose d'un peu différent ? Non, c'était différent, parce que j'étais co-auteur de 4 épisodes, moi, sur les 6. D'accord. En fait, au bout du compte, je suis co-auteur des 6. De tous les épisodes. Mais vraiment officiellement de 4. Donc il y avait le 1, le 2, le 3 et le 6, où j'étais moi avec un auteur, et les 4 et 5 où j'avais mis des auteurs qui travaillaient sans moi, mais au bout du compte, on faisait tellement d'allers-retours, et puis à la fin, j'ai tellement repris, j'ai beaucoup repris les dialogues à la fin, donc plus que sur Les Bleus. En fait, là, c'est là la grande différence, c'est une série de créations. Et on peut se dire qu'avec toute cette histoire, pourquoi c'est moi la créatrice, alors même que c'est une idée de Dominique, ouais. Alors même que Nicolas travaille dessus, et Cook aussi. Mais parce qu'à la fin, c'est quand même moi qui ai fait cet effort de rassembler tout ça, bien sûr. De poser un cadre, de dire maintenant ça va être ça, et Andrea, il va lui arriver ça, et à Gabriel ça, et Camille et Mathias ça. Et ça, c'est moi en fait. Et le ton, et tout, enfin c'est moi, je ne suis pas toute seule évidemment. Non, bien sûr, bien sûr. Et évidemment, en lien avec Harold Valentin qui était très présent, Fanny Rondeau bien sûr, Dominique. Mais c'est pas du tout la même sensation d'angoisse, de vertige, de vouloir y mettre de soi, de vouloir que chaque détail soit à sa place quand c'est une série qui est en train de se créer, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir en termes d'investissement personnel, de peur, de doute, aussi de joie quand on fait lire la première fois les textes et que les gens disent « mais c'est hyper drôle, mais c'est hyper bien ». Alors là, c'est orgasmique, alors que quand c'est sur des séries... qui appartiennent à quelqu'un d'autre, en fait, on se dit toujours, bah, au final, c'est lui qui verra, quoi. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Le niveau d'investissement et de peur, c'est incomparable. Donc, du coup, là aussi, pas de salle d'écriture ou une salle d'écriture quand même ? Pas de salle d'écriture. Pas de salle d'écriture. Moi, en 10 ans de métier, on ne m'a jamais fourni un bureau. on ne m'a jamais. Enfin, si, à l'époque où on était sur l'atelier du village français, le bureau c'était chez Krivine, c'est un atelier dans son salon. Mais du coup, il y avait sa fille ado qui avait ses cours de guitare, la dame qui faisait le ménage. Non, mais c'est vrai que des fois, quand on compare, il ne faut pas se comparer aux Américains parce que mille raisons, on n'a pas la même façon du tout de travailler. Mais quand même, celle-là, c'en est une, quoi. Moi, j'avoue qu'il me sidère un peu. Mais qui est lié aussi au fait que personne n'est complètement en exclusivité sur une série. Oui. C'est que la plupart des auteurs viennent faire un épisode là et puis travaillent sur d'autres choses en même temps. Il n'y a pas un lieu qui est posé pour un certain nombre de mois. Et c'est vrai que des fois, moi, j'aimerais bien faire ça, quoi. C'est quelque chose qui te plairait. Et oui, mais le problème, c'est que c'est difficile de l'imposer aux auteurs parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés sur une série pour ne faire que ça pendant plusieurs mois. En fait, ils sont obligés de travailler ailleurs. Donc, tout se mord la queue. Mais moi, j'aimerais beaucoup, oui, me dire, ok, pendant 6 mois, en plus, si on réfléchit, les producteurs, est-ce que ça leur coûterait vraiment très très cher pendant 6 mois de louer un 2 pièces dans le centre de Paris où il y a en fait 3 tables ou 4 tables Ikea, un canapé, une machine à café, où du coup les auteurs peuvent être là, savoir que c'est un endroit où ils sont bien, où il y a un board, parce que moi, du coup, ça se passe chez moi en fait. Ouais. Ça se passe chez moi et pareil avec de temps en temps monsieur qui vient faire le ménage et mon fils qui rentre de l'école. Non, mais c'est quand même très bizarre. Ouais, et puis c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Quoi. Et on travaille dans des conditions complètement artisanales. Alors je sais qu'il y a des producteurs qui le font, je sais que maintenant chez Make Ever il y a vraiment des bureaux qui sont destinés aux auteurs, mais après il y a aussi beaucoup. Après, c'est nous qui faisons un peu la fine bouche, mais il y a beaucoup de boîtes de prod qui sont en banlieue, qui sont excentrées, donc c'est pas facile, ça nous fait perdre trop de temps en déplacement d'aller là-bas. Mais moi c'est quelque chose, peut-être si une saison 3 10%, pourquoi pas, j'en parlerai avec mes producteurs, mais d'améliorer la qualité de travail des auteurs, qu'on soit bien, c'est quand même insensé. C'est-à-dire quand une série rentre en prod, on loue des bureaux de prod, ouais. Et ça ne pose un problème à personne, entendu évidemment. Là il y a des gens qui vont se rassembler, il faut qu'ils puissent communiquer, il faut qu'ils soient là tout le temps, il faut qu'ils soient ensemble, il faut qu'il y ait des téléphones, il faut qu'il y ait du café, des croissants. Et nous, pendant des mois on écrit, personne ne se soucie de savoir si on mange bien, si on boit du bon café, si on a un board de qualité pour écrire nos intrigues, si on peut se discuter ensemble. Enfin, du coup, s'il faut tout le temps jongler, aller les gens, c'est pas pratique. Mais ça, les producteurs s'en soucient assez peu. Mais ça va de toute façon avec un problème global de financement de l'écriture. Bien sûr. Qui est... S'il y a un problème de budget à la évidemment. L'enveloppe allouée n'est pas assez élevée. À partir de quand tu t'es mis à travailler sur la saison 2 ? On a commencé à réfléchir à saison 2 au mois de mai dernier. D'accord. C'est-à-dire un moment où la chaîne avait, ça y est, visionné les 6 épisodes montés ou globalement montés, c'est-à-dire pas complètement finis, mais qui étaient déjà très en place et qu'ils étaient donc rassurés sur le résultat. Après, ils ne le sont jamais totalement. C'est toujours inquiétant pour eux de lancer une série comme ça. Jusqu'à la diff, il y a toujours eu très peur que ça ne rencontre pas le public, qu'on soit dans un milieu trop parisien, trop urbain. Et puis voilà, donc ils ont été rassurés, mais ils ont quand même eu cette, ce geste heureux de nous commander la saison avant la diff, quoi, sinon on aurait pris trop de retard. Mais donc on a lancé les arches au mois de mai, ça nous a pris mai-juin pour travailler en atelier sur les arches, le temps de les rédiger, qu'elles soient avec des CCT en juillet. Et puis après, il y a eu un mois d'août où tout le monde est parti en vacances. Ouais. Et du coup, on a commencé à travailler sur les deux premiers épisodes depuis le mois de septembre. D'accord. Donc là, maintenant, on a deux épisodes qui commencent à émerger, qui ne sont pas dialogués encore, mais on a les thèmes. On a... Et puis surtout, là, on a des vraies arches qui n'étaient pas le cas en saison 1. Les arches, c'est un peu moi qui les faisais au fur et à mesure. C'était quand même assez compliqué, difficile pour moi. Là, on a une vraie feuille de route qui est validée par tout le monde, qui met tout le monde d'accord. Voilà, on sait vraiment, on sait où on va et c'est plus agréable, je pense que ça nous fera gagner du temps. L'objectif de la chaîne, c'est de relancer une saison de 10% en octobre l'an prochain ou c'est un peu plus flou que ça? Tu veux dire à la diffusion? Ouais. On n'y sera pas, on le sait déjà. D'accord. On le sait déjà pour plein de raisons, pour des raisons de date de tournage, pour des raisons de bloquer les comédiens qui aussi, je pense, suite au succès de 10% vont être assez sollicités. Les guest stars aussi. Ouais. Souvent, l'été, le problème, c'est que l'été, c'est une période où ça tourne beaucoup au cinéma. Ouais. Donc, lancer, nous, le tournage en été, c'est chaud. Donc, soit il faudrait le lancer complètement avant, mais là, pour le coup, en écriture, je pense qu'on ne sera pas prêt. Ouais, soit légèrement après. Et du coup, je ne veux pas m'avancer parce que tout est encore possible, mais je pense qu'on va viser une diffusion. On n'y sera pas à un an. J'espère qu'on sera à 1 an et 3 mois, 1 an et 4 mois. Il ne faudrait pas qu'on dépasse beaucoup ça. Ça serait bien. Petite question au niveau mécanique. Cédric Lapiche s'est fendu dans une interview d'une petite sortie sur des comédiens qui ont refusé de faire la série. Alors, sans rentrer dans les détails, quelle a été la difficulté au niveau écriture d'avoir écrit un épisode pour tel comédien et derrière d'apprendre que le comédien finalement ne le fera pas et de devoir réécrire l'épisode? Ça a changé quoi au final? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a par exemple les deux épisodes qui ont été assez compliqués, c'était le premier. Ouais. Donc après, de toute façon, ça a été dit partout, donc c'est pas du tout un souci de le redire, mais qui était au départ écrit pour Sophie Marceau. D'accord. Et puis, d'ailleurs, sans aucune trahison, enfin, c'est juste pour plein de raisons qu'il a un garde personnel, d'emploi du temps, pour plein de raisons, qu'elle a tout à fait expliqué d'ailleurs, elle a finalement décliné. Mais nous, notre épisode était vraiment écrit pour elle, quoi, sur mesure. Ouais, ouais. Du coup, avec des choses qui. Enfin, plein de petites références, mais comme on le fait dans l'épisode 2, comme on le fait dans tous les épisodes, à la carrière de l'actrice. Bien sûr. Sans jamais rentrer dans des détails intimes embarrassants. Mais il y avait. Voilà. Et du coup, quand on a appris que c'était pas elle, bon, c'était un coup dur pour la chaîne, parce qu'avoir Sophie Marceau, c'est une grande actrice populaire qui n'est jamais venue à la télé, donc c'était un vrai événement, qui allait très bien avec ce qu'on voulait faire dans la série. Bien sûr. Et du coup, bon, c'était un coup dur. Mais nous, après, pour les auteurs, c'était un coup dur de se dire, bon, bah, qui pour la remplacer? Donc, on a réfléchi, on a proposé à des personnes. Et finalement, Cédric et Dominique, qui chacun connaissent très bien Cécile de France, oui. On pensait à elle et elle a accepté. Et donc là, la réécriture de l'épisode pour Cécile, en fait, elle n'est pas si compliquée. Parce d'accord. que à partir du moment où elle est d'accord sur le thème... Il faut juste se dire, ok, Sophie Marceau, elle est un peu plus âgée, mais pas tant que ça non plus. Donc, on passe d'une actrice qui a les 46 ans à une actrice qui va fêter ses 40 dans l'année. Mmh. Moi, je dis, parce qu'au début, il me disait, ah, mais c'est trop jeune, du coup, on n'y croit plus. Et moi, qui fêtais mes 40 ans la même année, je dis, ben, si, je vous jure que si, si, si, je vous jure que si. Et donc, je sentais que pour une actrice, c'était un âge symbolique qui fonctionnerait, que la thématique, elle marcherait. Et j'étais assez persuadée que Cécile le ferait très bien. Donc, finalement, on a un peu gommé des petites références à la carrière de Sophie, mais c'était pas grand-chose. On a un peu cécilisé le truc, c'est-à-dire que du coup, elle habite dans cette maison un peu type Montreuil, un peu beau, elle a les mains dans la terre, la façon qu'elle a de parler, de se tenir, on l'a un peu réajusté. Après, il se trouve que Cédric, des trois réalisateurs, est le seul qui a souhaité, par endroit, rajouter des scènes. Ouais. Donc, ce sur quoi on a été obligé de discuter, parfois avec un peu de tension et parfois pas du tout. Parfois, je trouvais que son apport était super et puis il y a des moments où j'étais moins convaincue. Mais du coup, voilà, c'est lui qui a apporté toutes les scènes du cheval au début. C'est lui qui avait envie de commencer à l'extérieur, de la mettre dans ce genre de position. Et ça, c'était vraiment pour elle qu'il l'a fait. Ce serait été probablement pas le cas si ça avait été Sophie Marceau. Ouais. Mais du coup, sur l'épisode 1, finalement, le niveau de réécriture, c'était pas, comment dire, c'était pas si angoissant que ça. Fallait le faire, c'était du travail, mais c'était pas si angoissant. Là où ça a été beaucoup plus compliqué, ouais, à l'opposé, c'est l'épisode 3, qui était donc un épisode, ce fameux épisode des talons dont j'ai parlé, ouais, tout, ouais, à l'heure, qui depuis très longtemps a été écrit pour père-fils. D'accord. Et où nous, on était allés, je pense, très naïvement dans quelque chose de totalement névrotique. Parce que moi, j'avoue que c'est un truc qui me fascine assez, justement, le rapport parent-enfant dans le même métier. Mm-hmm. Ce que ça suppose de rivalité aussi, mais complètement inconsciente et honteuse de se retrouver à peut-être souhaiter que son enfant réussisse, mais pas tant que ça. Et l'enfant qui a très envie d'être meilleur que son parent, mais pas tant que ça. Enfin, c'est un message pour ton père et ton frère, c'est ça ou... Non, je crois que c'est bon, ça. Je l'ai réglé maintenant, cette histoire. Mais moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose là d'assez mythologique. Ouais. Et c'est toujours bien quand dans une histoire, on arrive à avoir un socle qui vient de loin, en fait, qui est un, ouais, peu universel. Et j'aimais beaucoup ça. Et donc, l'épisode tel qu'il était à l'origine était beaucoup plus sombre, en fait. Enfin, drôle, mais une drôlerie plus, je pense, plus piquante, plus caustique aussi sur ce que c'est qu'être en rivalité avec son propre enfant. Et ça finissait par donner un père qui, en fait, se mettait à paniquer que son fils puisse avoir la tête d'affiche à sa place. D'accord. Et donc ça rangeait pour réduire son rôle, et ça devenait une sorte de lutte un peu, mais larvée, honteuse, entre le père et le fils. Moi, j'aimais beaucoup ça. Ouais. Et je pense que c'était bien, mais peut-être que c'était pas bien pour le 10% qu'on était en train d'écrire. D'accord. En tout cas, on s'est rendu compte que personne ne voulait jouer ça, ni le père et le fils pour qui c'était écrit, et ni les autres à qui on l'a soumis après, en changeant un peu deux trois trucs. Alors du coup, on s'est dit, bon, alors on va faire pour mère-fille, ça passait pas, frère-frère, ça passait pas, sœur-sœur, ça passait pas. En fait, tant qu'il y avait de la rivalité forte, ouais, dans l'épisode, et que c'était ça le moteur à la fois comique et un peu caustique de l'affaire. Personne ne voulait le faire parce que je pense que ça les touchait de trop près. Ouais. Et donc c'est là où la réécriture, elle a été beaucoup plus importante, parce qu'à partir du moment où on s'est dit, ok, en fait, il faut complètement changer, là il y a un truc qui ne passe pas dans cet épisode, et on veut quand même garder le sujet, il a fallu. Et puis à ce moment-là, Dominique, qui est donc le parrain dans la vraie vie de Laura Smet, elle lui dit, mais Dominique, mais tu fais une série, pourquoi moi j'y suis pas? Et en fait, il dit, mais en fait, mais pourquoi j'ai pas pensé à, ouais, à Laura et sa mère? C'était une évidence. Et donc, très vite, elles ont dit oui, sur la foi aussi des épisodes qui étaient déjà écrits et peut-être plus solides, ouais, moins effrayants. Et donc, celui-là, au début, on ne l'aura pas trop fait lire, on l'a un peu raconté. Et puis, nous, dans l'ombre, on était là en train de turbiner pour vite leur tramer un truc, chose, oui, qui soit moins anxiogène, en fait, ouais, et qui joue moins sur la rivalité. Et à la fin, c'est ce que ça donne. Donc, cette relation mère-fille qui est plutôt saine dans la vraie vie, mais qui est menacée par un tournage. Et ça ouais, ferait quoi de jouer ensemble? Et si finalement, dans la fiction, ça devait aller tellement loin que ça contaminait notre relation? Bon, c'est autre chose, c'est un autre angle. Moi, je l'aime beaucoup, cet épisode, mais c'est, ouais, c'est un autre angle. Et là, pour le coup, il a fallu beaucoup réécrire et ça a été beaucoup plus difficile. C'est marrant que c'est l'épisode, quelque part, qui a défini la série. Et ouais, au final, c'est l'épisode que vous avez été... Ouais, c'est rigolo, alors qu'on pourrait s'imaginer, celui-là, on n'y touche pas parce que c'est bon, c'est la tonalité, au final. Ouais, non, c'est vrai. C'est étonnant. On va finir comme on finit habituellement. Qu'est-ce que tu regardes, si tu as le temps de regarder des choses en ce moment? Ça peut être des séries, ça peut être des films. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement? Qu'est-ce que tu as lu qui t'a passionné, qui t'a enthousiasmé? Alors, j'avoue que je regarde beaucoup moins de séries qu'avant. Ouais. Je pense que ça tient au fait que j'en ai vu énormément et que j'ai vu, je pense, les plus grandes, en fait. Enfin, c'est celles qui nous ont tous marquées, les Six Feet Under, les Friday Night Lights, les Sopranos, les Sex and the City. Donc, mes références sont un peu vieilles, mais c'était des claques tellement fortes que finalement, j'ai jamais retrouvé ce niveau-là de justement d'empathie, d'humanité, de plonger. J'ai oublié The Wire, mais évidemment. Donc j'en regarde moins parce qu'elle m'impressionne moins. Je pense aussi parce qu'en me professionnalisant, quand j'arrête de travailler le soir, je n'ai plus envie de regarder des séries parce que ça finit par faire trop de fiction, en fait. Il y a un moment, ouais, où j'ai juste besoin de plus rien. Donc j'avoue qu'en fait, il y a eu un moment dans ma vie, dans les deux dernières années, où j'ai vu beaucoup moins de séries. Celles qui m'ont marqué récemment et que j'ai vues, c'est The Affair, qui m'a, ouais, beaucoup impressionnée. D'accord. Mais c'est celle qui me vient le plus là. Celle que et sinon, tu regardes quoi du coup, des documentaires des, Ouais, alors, ça, alors ouais. Pour le coup, il y a eu récemment un peu un changement de braquet, justement, de me dire, mais en fait, j'ai envie d'avoir un accès au réel et ça me nourrira peut-être plus que le tamis de la fiction, même si évidemment ça m'intéresse et je continue d'aller beaucoup au cinéma. Enfin, pour te répondre, les films que j'ai vus récemment, celui qui m'a là le plus bouleversé récemment, c'est Much Love. D'accord. Que j'ai trouvé vraiment magnifique. Mais justement, ouais, avec une humanité, une tendresse pour les personnages, en même temps une violence, enfin, qui correspond vraiment à ce que j'aime. J'ai vu le film de Mai Wen récemment, mon roi, que j'ai beaucoup moins aimé, alors que j'aimais beaucoup le bal des actrices. Ouais. Et donc oui, donc j'ai un peu plus envie d'un accès au réel avec des témoignages par du documentaire. Donc là, le dernier que j'ai vu, c'est le docu d'Yves Jelan sur l'Élysée. Où il suit sans aucune voix off François Hollande et ses plus proches conseillers, d'accord, ouais. Sur France 3. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de génial pour les scénaristes, non pas dans ce qui se dit mais dans tout. Moi, il y a un truc qui me nourrit beaucoup dans mon travail, c'est l'utilisation des objets et des lieux. Et là, tout est tellement signifiant. Enfin, la nature de la vaisselle, le décorum, comment ces gens sont habillés. J'ai trouvé que ça racontait énormément, presque encore plus que finalement les dialogues. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas eu accès en plus au point chaud des décisions que doit prendre le président. Ça reste toujours un peu ce qui est autour. Mais du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Et ça, j'avoue que c'est plus nourrissant peut-être que finalement de regarder des films. Et puis en lecture, là en ce moment, j'avoue, je lis que des trucs pour 10% en fait. D'accord. Des histoires d'acteurs, des histoires psy, ce que c'est que la célébrité d'un point de vue psychologique, psychanalytique. J'avoue, je lis pas de romans en ce moment. Tu as des propositions de scénaristes qui t'envoient des scénarios à lire pour travailler sur 10%, tu lis beaucoup de choses comme ça ou Vérité, de toute façon, l'équipe de 10%, elle est déjà complète parce que j'ai repris les auteurs que j'avais en saison 1. Je suis très touchée, effectivement, là, ça fait quelques temps que je reçois énormément de sollicitations de jeunes auteurs qui soit m'envoient des choses qu'ils ont écrites, pas pour 10%, mais qui me sollicite soit pour rentrer dans l'atelier, soit juste pour être petite main. Alors il y en a qui sont malins et drôles et qui du coup réutilisent des morceaux de 10%. Il y en a une qui m'a dit je vais faire beaucoup de photocopies comme Andrea dans 10%. Et c'est assez désolant parce que je sais pas quoi leur offrir. En plus, pour le coup, moi je suis pas, c'est pas moi qui tiens les clés du budget, donc par exemple, c'est vrai que des fois je me dis ça me serait utile, je pense, d'avoir un assistant qui m'aiderait, qui prendrait les notes en réunion et tout. Mais au final, comme tout ça est très informel, que les réunions elles sont pas fixes, que c'est au gré des échanges avec les auteurs, qu'on n'a même pas un lieu, donc j'aimerais beaucoup ça, mais moi j'ai pas l'argent pour le payer. Il faudrait que mes producteurs signent une convention de stage. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que c'est pas vraiment possible, ou alors je le prendrais moi sur mon temps. Mais là, voilà, le truc c'est que je n'ai pas le temps. Et tous ces jeunes gens qui m'envoient leurs travaux, parfois ils veulent juste avoir un conseil, comment on démarre, comment on fait, où je prépare tel concours, est-ce que vous pouvez m'aider? Et je suis désolée, à chaque fois je leur réponds la même chose, mais je ne peux pas répondre au cas par cas, je n'ai pas le temps. Du coup, ce que j'aime faire, c'est quand même intervenir dans des formations. Donc là, cette année, je vais suivre des étudiants à la FEMIS dans la section télé. Et puis je le fais dans des écoles, dans d'autres organismes de formation, parce que c'est important, je pense, de transmettre l'expérience et d'aider autant que possible à former les générations d'après, quoi. Mais au cas par cas, c'est impossible. Ça m'émeut beaucoup, ça me touche, mais du coup, je suis absolument désolée, mais je peux pas lire ce qu'ils m'envoient, c'est impossible. C'est à la fois frustrant, en même temps, ça traduit bien, l'image qu'a la série. En fait, c'est un objet qui déclenche beaucoup de fantasmes chez les auteurs, parce que justement, c'est pas un univers qu'on a l'habitude de traiter, c'est pas un ton qu'on a l'habitude d'aborder. Donc. Mais ça, c'est une des choses qui, je pense, me fait le plus plaisir en ce moment. Enfin, la réception de la série, qui est un moment extrêmement important pour moi, assez bouleversant, je dois dire. Et de recevoir tellement de témoignages de gens plus jeunes qui disent mais moi je regarde pas la fiction française, enfin je sens bien qu'ils sont nourris de fiction américaine et je sais très bien pourquoi. Et donc de dire soudain ceux-là, un peu par hasard ou par bouche à oreille ou par nécessité parce que leur prof leur ont dit de regarder ou je sais pas bien comment ils sont venus au départ, ou peut-être parce que d'un coup il y a quelque chose là, il y a un appel un peu plus sexy que ce qui se fait d'habitude. et qui disent ah mais en fait j'ai bien aimé, mais voilà, et il se passe ça, ça me fait très très plaisir. Et de, et évidemment aussi de sentir cette même émulation du côté des collègues scénaristes professionnels, donc pas des aspirants, mais qui disent ah, ça permet de d'ouvrir un peu, ça donne un peu d'air, hein, et on se dit on va pouvoir avoir un ton un peu plus léger, moderne. Ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, c'est une vraie preuve que ça peut fonctionner sans forcément qu'il y ait polar dedans. Exactement. C'est bien le polar, mais c'est rafraîchissant d'avoir d'autres thèmes à aborder, quoi. Donc félicitations, quoi. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup d'être venu en tout cas. Avec plaisir. Merci.